On va parler des Jeux du Québec à Alma. On sait qu'on a un reportage de tous les jours avec Camille Girard. Je devrais me rendre ici la fin de semaine parce que c'est rien qu'à 1 heure de là. On parle. Quoi qu'il en soit, je voulais savoir que c'est quoi l'ambiance là-bas. On entend des choses, on voit sur des choses sur les médias sociaux disant ça paraît pas que la ville est Jeux du Québec actuellement. Qui de mieux placé que la voix à Alma de Planète 104.5? Une bonne connaissance, une vieille connaissance à moi, Claude Bergeron. Salut, Claude! Salut, Denis, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Claude, je vois des médias sociaux. Hier, j'ai parlé avec une femme qui est très impliquée dans le domaine de la restauration, dans un restaurant très fréquenté d'Alma. Je n'aimerais pas la personne pour ne pas l'identifier. Et elle me disait, ça paraît pas beaucoup qu'il y ait les Jeux du Québec jusqu'à maintenant. Claude, t'es bien placé, toi qui est vraiment très impliqué à Alma. Je pense que même t'as animé, et ainsi de suite. Est-ce que la ville est jeu actuellement? Écoute, Danny, je voudrais pas contredire la personne à qui t'as parlé. Peut-être que dans son cas, c'est ce qu'elle a pu observer. Ouais. Mais moi, je peux te dire, pour vivre à Alma depuis des années, qu'on voit rarement la ville grouiller comme ça, fin février, début mars. J'ai parlé avec des gens de restauration qui ont doublé leur chiffre d'affaires depuis samedi. Okay. Les hôtels affichent à peu près tous complets. Alors, quelqu'un qui dit qu'il sent pas les jeux actuellement, le seul petit bémol qu'on a, c'est au niveau du pavoisement. Tu sais, on a peut-être manqué de gens qui sont affichés, qui ont mis des banderoles, ouais, bienvenue à Alma pour les Jeux du Québec, ainsi de suite. Mais sinon, pour l'hébergement, restauration, écoute, il y a du monde partout. Et Danny, pour être sur les sites de compétition, dans le fond, j'étais là même pour faire la cérémonie d'ouverture en direct à Cogeco TV. J'arrête pas de me promener sur les plateaux de compétition pour différents reportages. Il y a du monde partout. Notre ville est super belle en ce moment, Danny. Comparé à celle de 99, OK, c'est pas la même chose, c'est l'été, mais elle était là en 99. Est-ce que les Jeux d'été et les Jeux d'hiver, est-ce que ça se compare du côté achalandage, peut-être? En termes d'achalandage, je te dirais, pour le nombre de personnes qui sont ici, oui, sans l'ombre d'un doute. Par contre, la configuration des plateaux de compétition, c'est complètement différent. Pour les gens qui connaissent Alma un petit peu, le poumon des Jeux d'été 99, c'était les plaines vertes, la piste d'athlétisme, tout ce qui gravitait autour. Maintenant, il y a eu quand même pas mal d'argent injecté à Alma depuis le centre Mario Tremblay qui a eu 3 phases de réfection. Bon, il y avait des sceptiques au début. Est-ce qu'on aurait été mieux de recommencer à neuf ailleurs ou d'investir ici? Force est d'admettre, si on veut enlever les débats politiques, le résultat d'Annie est splendide. Venez vous promener maintenant au centre Mario Tremblay, les deux glaces, tout ce qui est autour, la piscine, une piscine supplémentaire, et Danny, le nouveau centre multisport. 12 millions que ça a coûté au cours de la dernière année, c'est magnifique. Sérieusement, les gens de Sport Québec à qui j'ai parlé sont impressionnés. On n'aura rien envié à personne pour la qualité des installations. Maintenant, ce qu'il faut faire, ça va être d'attirer d'autres événements. Ça va être de faire vivre ce nouveau centre multisport-là. Déjà, la population va s'en servir. Tu vois, depuis ce matin, il y a une quinzaine de plateaux qui sont là. C'est le moment où je te parle. OK. Claude, est-ce que je te m'arrête de te tasser un petit peu parce que, évidemment, je te parle sur ton portable. Du côté des organisateurs, est-ce que tu as eu la chance de parler avec des gens qui n'étaient pas dans l'organisation des Jeux du Québec qui gravitent ici localement, mais au niveau provincial? Est-ce que le chiffre d'assistance des compétitions, est-ce que ça équivaut à les Jeux du Québec de 2015, 2013, à Chicoutimi, et ainsi de suite? Au niveau de l'assistance, je te parle. OK. Honnêtement, Danny, je pourrais pas te faire de comparable avec les derniers jeux parce que je n'ai pas assisté. Mais quand tu jases avec des gens de... Quand tu jases avec des gens de Sport Québec, ils sont extrêmement contents de voir les gradins. Je te dis, Danny, toute la fin de semaine, c'était bondé partout. J'avais du mal à trouver une place. Là, on est en pleine semaine aujourd'hui. La grande glace est pleine. Écoute, on vient de voir un match entre Montréal et Lac-Saint-Louis. Okay. On s'entend que ça ne devait pas concerner grand monde du Lac-Saint-Jean. Non. Les gardiens étaient pratiquement pleins. Donc, la population embarque pas à peu près jusqu'à maintenant. OK. Est-ce que le fait que le Lac-Saint-Jean va très bien, puisque l'objectif était de 25 médailles au départ, là, l'objectif, je pense qu'on a des bonnes chances de dépasser dans le deuxième bloc. Est-ce que ça doit aider aussi à l'assistance, là? Alors, d'une certaine façon, c'est sûr. Écoute, hier matin, moi, je suis allé au centre sportif Mistouk qui présentait les finales de curling. Adeline. Écoute, de voir la foule qui était là derrière l'équipe masculine et l'équipe féminine, ça a été sensationnel. Centre sportif Mistouk, bon, c'est un peu petit amphithéâtre, mais moi, j'avais jamais vu autant de monde et autant d'ambiance là-dedans. Écoute, les jeunes ont répondu de façon magnifique. On a ajouté 2 médailles d'or hier au curling, c'est pas peu dire. OK. Est-ce que les du côté maintenant, je te parlerai de du niveau financier, est-ce que tu penses qu'on se dirige vers un succès financier, à tout le moins des jeux au moins qui vont faire ses frais? Je peux juste spéculer avec vous parce que je suis pas dans le secret des dieux. On se cachera pas qu'en 2017, organiser les Jeux du Québec, Dani, ça coûte cher. Ouais. Moi, je pense que ça avait été bien planifié. Il y a eu de bonnes levées de fonds dans le milieu. D'après moi, on a fait ce qu'il fallait pour équilibrer tout ça. Maintenant, Sport Québec a déjà agi pour les Jeux à venir. On a déjà décidé d'enlever au moins 2 épreuves pour les prochaines éditions des Jeux. Ça, c'est pour permettre au milieu organisateur du futur d'être capable de présenter des jeux en contrôlant les coûts. Ce qu'on se le cachera pas, c'est devenu un énorme bateau. Mm. Tu vois, récemment, il y a une région qui a décidé de sortir, qui voulait être en candidature pour organiser les jeux de mémoire là, 2019 ou 2020, je te parle de l'Abitibi. Mm. On a décidé de laisser tomber parce que ça c'était trop exigeant au niveau financier. OK. Ton coup de cœur des jeux jusqu'à maintenant? Écoute, niveau athlète, je te parle. Là. Parce que je sais qu'en 2013, quand j'avais entendu parler de Catherine Mailloux, une jeune patineuse de Chicoutimi, je sais pas, qui vient de Saint-Félicien, mais qui avait brillé. Mais est-ce qu'il y a une athlète, c'est sûr que tu fais beaucoup d'émissions, que ce soit niveau personnalité, pas nécessairement niveau sportif, mais niveau personnalité aussi. Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué au niveau des athlètes? Je vais t'en donner quelques exemples en vrac. Il y a une fille de Saint-Bruno, Anaïs Côté, qui est vraiment quelqu'un là dans la vie de solide. On avait reçu cette petite fille-là à la radio, Dani, il y a 3 ans. Ça avait été notre star d'un jour. Ça, c'est un programme du Club Optimiste de Saint-Bruno. C'est une petite fille avec une tête vissée solidement sur les épaules qui était venue nous parler de livres, qui était venue nous parler de plein de choses. Je savais pas à quel point c'était une sportive sérieuse. Anaïs a décidé de s'entraîner sérieusement au ski de fond pour les Jeux du Québec. Elle repart d'ici avec une médaille d'or et une médaille d'argent. Ça, c'est wow. Le courte-piste dans la région, on savait à quel point c'est bon. On a vu Marie-Jane Gilbert de l'Abbé qui est allée chercher 4 médailles au cours des Jeux. Pardon, 3, il y a une chute qui a enlevé une autre médaille d'or. Ensuite de ça, un coup de cœur qui est pas une personne, c'est une infrastructure. Je t'en parlais tantôt, c'est le nouveau centre multisport. Faut absolument que vous passiez par Alma venir voir ça prochainement, c'est de toute beauté. Sais-tu le lait que ça va laisser les Jeux du Québec à Alma? Le centre multisport, c'est le plus bel exemple, Dani. On n'avait pas ça. On n'avait pas ça avant les Jeux. Ce qu'il faut maintenant, c'est que des Jeux comme ceux qu'on est en train de vivre, il faut que ça allume des jeunes. Il faut que ça donne envie à des jeunes qui sont venus voir de la gymnastique en fin de semaine, qui viennent voir d'autres compétitions. Il faut que ça donne envie à ces jeunes-là de lâcher un petit peu leur ordinateur, leur tablette, de bouger un peu. Tu sais, on les enverra pas tous aux Jeux olympiques éventuellement, puis en toi et moi, on s'en fout. Mais si t'es capable de donner le goût à une génération de bouger, ben on va avoir les plateaux, on va avoir les infrastructures encore plus pour permettre à ces jeunes-là de bouger puis d'avoir de très bonnes conditions. OK. Claude, tu avais 10 minutes, je te laisse aller. Gros, gros merci et bravo pour ton implication à Alma au Jeux du Québec. Puis je vais probablement me rendre d'ici dimanche pour les... Écoute, la radio sportive qui va pas au Jeux du Québec, c'est quasiment... Ce serait pas bien vu, je pense. Écoute, Dani, il reste encore 2 très grosses journées de compétition. Je parle de demain et vendredi. Samedi, déjà, ben il va rester moins de compétition parce que c'est la conclusion du jeu. Et à 17h samedi, on vivra la cérémonie clôture en direct du Centre Multisport. D'ici là, les gens qui veulent nous suivre à Planète 104.5, si tu me permets de les inviter. 16h. On a des interventions en direct tout au long de la journée. Et pour ceux qui ne pourront pas être ici, samedi soir, 17h, cérémonie de clôture, c'est présenté en direct à Cogeco TV et ça fait le tour du Québec. On a plein de gens qui ont vu Alma au cours des derniers jours. C'est une sacrée belle carte de visite pour la ville de l'hospitalité. Ben, regarde, à quelque part, moi, je disais, puis hier, j'en parlais à quelqu'un hier, off the record, puis je disais, pourquoi pas les Jeux d'été dans le Haut-du-Lac? À un moment donné, peut-être pas tout de suite, faut pas penser à ça tout de suite parce qu'on les arrête pas, on irait là pour se planter, mais dans une échéance de 5 à 10 ans, pourquoi pas les avoir? À quelque part, on les a déjà eus. Et tu es en train de me confirmer qu'au niveau touristique, c'est très bon. Officiel, Dani, je vous le souhaite de tout cœur, puis j'ai aucun doute, dans le milieu d'Olbeau-Mistassini, vous avez ce qu'il faut, vous avez les gens pour être capables d'organiser ça. Oui. Maintenant, ben ça prend de la volonté, ça prend un rêve, puis avec du bon monde, comme on a au Lac-Saint-Jean, on travaille, puis nos rêves, on les réalise. Merci beaucoup, Claude. On s'en parle éventuellement sur les médias sociaux. Je t'invite à mes débats sur les médias sociaux. Toujours plaisir de se parler. Ça fait plaisir, Danny, puis salutations à tous tes fidèles aussi. Bye. La voix de Planète, Claude Bergeron.